OK. Gilles V on the mic, yeah. Je veux voir tout le monde debout, oui, j'ai dit tout le monde debout. Je veux voir tout le monde debout, oui, j'ai dit tout le monde debout. Je veux voir tout le monde debout, oui, j'ai dit tout le monde debout. Je veux voir tout le monde debout maintenant. Oui, dans ce genre de soirée, y'a ceux qui viennent en smoking, ceux qui sont décontractés, juste en t-shirt et en jean. Nous sommes que mais le DJ, on l'entend juste au parking. C'est lui qui va ambiancer, oui, ce soir c'est lui le king. Il y a ceux qui sont au bar afin de prendre un conso. Sur la piste, y'a les fêtards qui dansent tous les morceaux. Y'a ceux qui sortiront tard et d'autres qui rentreront tôt. Le parc est pris d'assaut, le parc est pris d'assaut. Tous les mains vers le ciel, tout le monde, les mains vers le sol. À coup à gauche, à gauche, à coup à droite, et je veux t'entendre taper les mains, vas-y, et je veux t'entendre taper les mains, plus et je veux t'entendre taper, et maintenant tu il y a toujours deux trois personnes complètement défoncées. Il y a ce mec qui mate vers sa femme et sourcils foncés lorsqu'il voit un autre gars qui l'invite à danser. Il y a ceux qui sont ici pour oublier leur semaine, en dansant toute la nuit jusqu'à user leur semelle, et espérant rencontrer quelqu'un seulement si la chance en mêle. S'en mêle, tout le monde les mains vers le ciel, les mains vers le sol, les mains vers le sol. À coup à gauche, à coup à gauche, à coup à droite, à droite. Et je veux t'entendre taper les mains. Plus et je veux t'entendre taper les mains. Okay. Et je veux t'entendre taper. Et maintenant tu toujours des gens venus chercher l'amour. Ouh, ceux qui viennent danser jusqu'au petit jour. Yeah. Emmenés par un DJ, jamais à court. De tube à balancer pour ambiancer, faire bouger la foule. C'est bon de tâcher sans se tâcher en gardant l'esprit cool. Surtout jamais ne se prendre la tête car on est peut-être pour faire la fête. Et oui, une bonne soirée, ça défoule. Tout le monde les mains vers le ciel. Tout le monde, tout le monde. Les mains vers le sol. Tout le monde, tout le monde. À coup à gauche. Et à coup à gauche. À coup à droite. À droite. Et je veux t'entendre taper les mains. Okay. Et je veux t'entendre taper les mains. Plus et je veux t'entendre taper. Et maintenant tu.